Vous écoutez Futur Simple sur CKRL 89.1, Valérie Levé au microphone. Peut-être avez-vous chez vous un chat ou un chien, ou peut-être êtes-vous en train de vous faire cuire un steak de bœuf. Alors le rapport entre le chat, le chien ou le bœuf, ce sont des animaux domestiques. Et curieusement, sur les 5000 et quelques espèces de mammifères, seulement quelques-unes ont été domestiquées. Alors comment s'est faite cette domestication? On en parle avec Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval. Bonjour Cyril. Bonjour Valérie. Alors, avant de voir comment ces animaux, la vache, le chat ont été domestiqués, peut-être qu'on devrait définir un petit peu ce qu'on entend par animal domestique par rapport à l'animal sauvage. Oui, je pense que tout repose sur cette définition. Puis en fait, parler des mammifères domestiques, c'est parler d'une part très importante de l'histoire récente de notre espèce, récente dans le sens des derniers 10 000 ans ou à peu près. Les mammifères ont toujours été très importants pour l'humain, à preuve dans les grottes comme Lascaux, Chauray, un peu partout. Presque toutes les représentations qu'on voit sont des représentations de mammifères. Donc l'association entre l'humain qui est un mammifère et d'autres mammifères apparentés est très, très importante dans l'histoire de l'humanité. Donc en termes de définition, j'aime bien comparer aux mammifères sauvages, aux animaux sauvages en général. Un animal sauvage, c'est un animal produit par la sélection naturelle qui vit indépendamment de nous, qui entretient parfois aucune relation avec nous, comme la grande majorité des espèces, ou s'il y a des relations, c'est parce qu'on les chasse, ou parce que ces bêtes-là, des grands carnivores qui nous chassent, ou plus récemment, les animaux qu'on considère vulnérables et qu'on veut protéger par des gestes de conservation. Donc, c'est des animaux produits par la sélection, qui vivent tout à fait indépendamment de nous. Par rapport à ça, les mammifères ou les animaux en général domestiques, la clé centrale de la définition, c'est que l'humain contrôle la reproduction de ces espèces. Donc, c'est beaucoup plus une question de sélection artificielle. On imite la sélection naturelle en décidant qui s'accouple avec qui, sur la base de critères pratiques ou arbitraires qu'on a décidé, produire plus de laine, produire plus de lait, courir plus vite, être plus docile, etc. Donc, on invente les critères de sélection, on sélectionne qui s'accouple avec qui, et ça nous donne une espèce ou une population dont on a changé le génome. Et ça, c'est très différent. Donc, et qui est donc différente de l'espèce sauvage dont elle est issue. C'est ça, c'est ça. Plus ou moins différente. Alors, évidemment, si l'espèce domestique est relativement récente, on se retrouve avec une situation où on les considère comme deux espèces, mais qui sont encore capables de donner des descendants fertiles, comme le loup et le chien, par exemple. Mais on les considère comme des espèces différentes, parce qu'on a modifié plus ou moins profondément le génome. Donc, on a modifié, par conséquent, le phénotype ou l'anatomie, la physiologie, le comportement. Et là, dans le cas du chien, du loup, bon, le loup existe encore, mais dans le cas d'autres animaux domestiques, comme la vache, est-ce que l'animal sauvage qui est à l'origine de la vache existe encore dans la nature? Non, c'était l'auroch en Europe, et cet animal-là n'existe plus. Mais on peut présumer, si on pense en termes des données génétiques qu'on possède de cet animal disparu, qu'il aurait pu donner des descendants fertiles. Donc, si on en trouvait, si on trouvait dans l'esprit de Jurassic Park, si on trouvait... Si on trouvait des carcasses d'auroch congelées, on pourrait, à la limite, prélever des noyaux cellulaires et les implanter dans l'ovule d'une vache et espérer produire quelque chose de viable. Et est-ce que les animaux domestiques, une fois domestiqués, qui vivent vraiment en relation étroite avec l'homme et même pour l'homme, est-ce qu'ils peuvent retourner, est-ce que ça arrive qu'ils retournent à la nature et qu'ils soient capables de retourner à un état de vie pour lequel ils n'ont pas été sélectionnés, dans un milieu pour lequel ils n'ont pas été adaptés finalement? Oui, ça arrive. Ça dépend du degré de sélection qu'on avait fait, et ça dépend des conditions dans lesquelles les animaux se retrouvent. Alors, c'est ce qu'on appelle par exemple les espèces errantes, un animal errant. Le chien est un bel exemple. Le chien est donc une espèce tout à fait domestiquée, mais il y a plusieurs endroits, presque partout dans le monde, dans les pays tropicaux, autour des villages, où on voit des meutes de chiens, qui sont des chiens domestiques, mais qui vivent indépendamment de l'homme. Mais ils vivent quand même dans la ville, proche de la ville ou du village, ils ne vivent pas dans la forêt, comme le loup. Non, ils ne vivent pas dans la forêt, mais ils sont capables de vivre dans la forêt, et ça leur arrive de vivre dans la forêt et de chasser des proies sauvages. Ça arrive même au Québec, là, Et pendant plusieurs années, ça a été un grand problème, des chiens errants autour des fermes qui, si par le hasard fait qu'ils se trouvent devant ou en présence d'un, comment est-ce qu'on appelle, un ravage de chevreuil, ils peuvent très bien chasser les cerfs comme une meute de loups. Donc il y a des espèces comme celle-là qui sont capables de redevenir indépendantes de l'humain. Ce qu'on appelle les chevaux sauvages aussi dans l'Ouest. Alors, c'est, en fait, ce ne sont pas des chevaux sauvages, ce sont des chevaux vraiment domestiques, mais qui sont redevenus indépendants. Les chevaux qu'on a introduits sur l'île de Sable, c'est un autre exemple, ou sur des îles du Pacifique assez souvent dans le passé, les marins avaient l'habitude de volontairement laisser quelques chèvres sur ces îles désertiques ou ces îles perdues, si on veut, au milieu de l'océan, comme source de viande éventuelle au cas de, en cas d'un naufrage. Ah oui, ils étaient prévoyants. Ils étaient prévoyants, sachant qu'il n'y avait rien d'autre. Une île déserte où il n'y avait à peu près rien d'autre à manger de facilement. Donc, on libérait un certain nombre de chèvres domestiques. Qui allaient se reproduire, qui allaient se débrouiller dans la nature. Qui se débrouillent, si elles arrivaient à survivre, si le milieu était suffisamment favorable. Ça finit par donner une forme de une forme qui est presque une nouvelle espèce, là, qui est passée par l'état domestique, mais qui redevient sauvage. Le cas extrême qu'on connaît, à ma connaissance, c'est ce qu'on appelle le dingo en Australie, qui est un chien qu'on considère maintenant même comme redevenu à 100% sauvage. Donc, on lui donne un nom d'espèce différent. Mais on sait qu'à l'origine, c'était des chiens domestiques qui ont été introduits il y a plusieurs milliers d'années en Australie, des chiens domestiques avec l'humain. Qui se sont libérés, si on veut, et qui redeviennent soumis à la sélection. Si la population existe suffisamment longtemps, on peut facilement imaginer que ça devienne une nouvelle espèce. C'est intéressant parce qu'on parle on part du loup, on arrive au chien et on continue au dingo. On revient au loup. Oui, mais est-ce que le dingo et le loup pourraient se croiser? Est-ce qu'ils sont équivalents ou on a deux espèces différentes finalement? Oui, on a deux espèces différentes, mais si on fait un aller-retour dans la nature, milieu humain puis nature. Mais c'est deux espèces différentes. Je ne sais pas si on pourrait, s'il pourrait s'accoupler puis donner des descendants fertiles, mais je ferais la prédiction que oui. Parce que, il faudrait voir jusqu'à quel point le génome a été transformé à l'origine. Et alors, donc là, on a parlé des animaux sauvages, des animaux domestiques, mais il me semble qu'il y a des animaux qui présentent une situation intermédiaire. Et puis, j'ai en tête, par exemple, un cas un peu particulier, mais les animaux de cirque, vivent avec ils sont utilisés par les humains, mais quand on a un lion ou un éléphant qui fait un numéro, c'est pas une espèce domestique, c'est pas un animal domestique. C'est pas un animal domestique, c'est vraiment un animal sauvage. Le cas de l'éléphant d'Asie particulièrement est intéressant parce qu'on a tendance à dire qu'en Asie, il reste quelques milliers d'éléphants sauvages et plusieurs milliers d'éléphants domestiques. Mais ce ne sont pas des éléphants domestiques, ce sont des éléphants parfaitement sauvages, mais qui sont apprivoisés, qui ont été dressés. Donc, on les capture jeunes, typiquement, et on les soigne, on s'en occupe, on les nourrit et on les dresse pour en faire un animal relativement docile. Mais ça demeure un animal parfaitement sauvage. On n'a pas modifié le génome, on n'a pas contrôlé la reproduction. Et le cas de l'éléphant est particulièrement intéressant aussi parce qu'il y a plusieurs pays d'Asie où on a la croyance, c'est un mythe qui est très, très profondément ancré, qu'il ne faut pas permettre aux éléphants qu'on appelle domestiques, faut pas leur permettre de se reproduire parce que ça va réduire leur force pour le travail, ça va les rendre moins dociles, etc. Ce qui est complètement faux. Puis on le constate maintenant parce qu'il y a des pays où on commence à faire se reproduire les éléphants captifs, apprivoisés, plutôt que de toujours retourner en nature pour aller en chercher des jeunes. Mais ça demeure un animal sauvage. Puis on le voit très bien dans le fait que l'animal est docile et contrôlé par un cornac, mais il est presque toujours enchaîné. Si vous remarquez attentivement, il y a toujours des chaînes autour des pieds pour pouvoir le contrôler en cas de besoin. Donc, il est apprivoisé pour faire certaines tâches, mais il n'y a pas eu de programme de sélection artificielle un animal qui obéirait mieux. Si on revient à la définition de départ de l'animal domestique, on n'a pas modifié le génome de l'animal et on a simplement, par rapport à une espèce domestique où c'est toute une espèce ou toute une population dont on change le génome, dans le cas de ces animaux apprivoisés, ce sont certains individus dont on change seulement le comportement. Alors, l'exemple que tu citais, là, des animaux de cirque, ça en est un autre bon exemple. Donc, c'est des animaux purement apprivoisés ou des animaux de compagnie, des gens qui vont capturer un louveteau, par exemple, vous trouvez un louveteau dans la nature et puis qu'il le garde comme animal de compagnie, mais c'est un animal qui est apprivoisé, qui est dressé, qui n'est pas domestiqué. Mmh. Et les animaux qui vivent près des sociétés humaines, mais par exemple, mais qui ne vivent, qui ne sont pas utilisés par l'humain, je pense par exemple aux rats dans les égouts, qui vivent dans les égouts, qui sont donc inféodés à la ville en quelque sorte, ou même les pigeons qu'on voit toujours sous nos ponts. Voilà. Ça, ils se situent où, ça? Ils vivent quand même proches de la société humaine, mais ils ne sont évidemment pas domestiqués, ils ne sont pas apprivoisés. Non, c'est une autre. Mais ils ne vivent plus dans la nature non plus. Non, c'est une autre situation intermédiaire entre les deux extrêmes, sauvages et domestiqués, qui permet de comprendre un peu l'état domestique. C'est ce qu'on appelle les espèces commensales. C'est-à-dire que c'est une espèce qui est sauvage, qui vit dans la nature, mais dans son environnement, le hasard ou les circonstances de l'histoire font qu'on trouve une espèce très présente qui a des activités considérables, c'est l'espèce humaine. Donc le rat et la souris, qu'on appelle à tort les rats et souris domestiques, je fais une petite parenthèse, sauf pour les rats et les souris blanches de laboratoire qui, elles, ont été sélectionnées, on a contrôlé leur reproduction. Mais les rats des villes, les rats d'égouts et les souris, encore là qu'on appelle domestiques à tort, c'est tout simplement des animaux sauvages qui profitent de l'humain. L'humain devient un élément très important de leur environnement. Et surtout depuis l'invention de l'agriculture. Avec l'invention de l'agriculture, on a produit des grains, on a produit des céréales, entre autres, des fruits qu'on entrepose. Et ces entrepôts, c'est l'univers, c'est le paradis c'est le bonheur, bon. C'est le paradis pour une souris ou un rat. Et donc, ces animaux deviennent à la fois adaptés et dépendants des activités et de la présence humaine. Donc, des espèces commensales. Ce n'est pas du parasitisme, puisque l'humain n'en souffre pas vraiment. Ce n'est pas une symbiose non plus, puisque l'humain n'en retire pas beaucoup d'avantages ou pas du tout d'avantages. Donc, c'est vraiment une catégorie à part. Ce sont des espèces commensales. Ce n'est pas domestique, ce n'est pas sauvage. Ou c'est sauvage, mais sauvage particulier, avec des traits de caractère très particuliers. Avec une dépendance à l'humain. Ouais. Donc maintenant qu'on y voit un peu plus clair dans les animaux domestiques, les apprivoisés, les animaux commensaux, les domestiques sont retournés à la nature. Donc venons-en à cette question, comment ça s'est produit la domestication? Comment l'homme a réussi à aller chercher des animaux et à les domestiquer pour ses besoins? Bon, et ça s'est produit quand aussi? Bon, évidemment, le fait que ça soit produit avant l'invention de l'agriculture, de l'écriture, pardon, on n'a pas de documents fiables qui nous décriraient les techniques qu'on a utilisées à l'époque. Donc, la première espèce qu'on a domestiquée, c'est le chien, le loup, avec lequel on a fait toutes les races de chiens. Et là, les avis divergent. Il y a des auteurs qui vont nous dire que c'est autour d'il y a 12 000 ans, d'autres jusqu'à 35 000 ans. Mais disons, en gros, il y a 20 000 ans. Donc, la première espèce, ce serait le loup, il y a 20 000 ans. Et on est obligé de se limiter à des hypothèses ou des spéculations pour expliquer comment ça a pu démarrer. La spéculation ou le scénario le plus plausible actuellement, c'est justement le commensalisme. On imagine une population humaine, disons une tribu humaine de chasseurs-cueilleurs, puisque avant l'invention de l'agriculture, tous les humains étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc une population humaine de chasseurs-cueilleurs autour de laquelle vivent des loups qui essaient de profiter de la présence humaine en piratant des carcasses abandonnées ou des restes de nourriture ou des loups qui deviennent familiers avec l'humain, qui deviennent moins craintifs, qui s'apprivoisent eux-mêmes à l'humain. Et à l'inverse, peut-être des humains qui profitent de la présence des loups pour leur voler leur proie qu'ils viennent d'abattre à l'occasion. Donc, autrement dit, le point de départ serait un début de commensalisme et de coévolution entre deux espèces qui se ressemblent beaucoup. C'est peut-être pas un hasard que la première espèce qu'on a domestiquée, c'est le loup, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Les deux, l'humain et le loup, sont des grands mammifères, d'à peu près de la même taille, qui ont une organisation sociale semblable, qui sont des prédateurs, qui sont des nomades. Donc, beaucoup de points communs. Donc, on imagine que ce sont deux espèces qui se sont reconnues, qui vivaient un peu dans le même genre d'environnement, qui étaient un peu dans la même niche écologique, qui exploitaient la niche un peu de la même façon, chasseurs-cueilleurs d'un côté et prédateurs de l'autre. Donc, autrement dit, le début de la domestication n'aurait pas été, ce ne serait pas parti pas d'une intention ou d'un projet ou d'une idée de génie de dire, tiens, ce serait intéressant de domestiquer cet animal-là à notre bénéfice. Le début, pendant probablement plusieurs milliers d'années, c'est le développement d'une relation écologique spontanée entre deux espèces voisines Et éventuellement, une des deux étant plus intelligente que l'autre, mais c'est elle qui a domestiqué l'autre, ouais. Et non pas vice-versa. On n'a pas été domestiqué par le chien. On n'a pas été domestiqué par le loup. Quoique quand on voit certaines personnes avec leur chien en laisse, on se demande qui des deux tient la laisse. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est un scénario de sélection naturelle, si on veut. C'est un scénario spontané, naturel, mm-hmm. de coévolution entre deux espèces qui se ressemblent. Et on imagine, encore là, on est dans la spéculation, qu'éventuellement, il y a des humains qui se sont rendus compte qu'on pouvait capturer des louveteaux ou croiser des louveteaux par hasard, les conserver au camp, ou appelons ça dans le village, et les garder jusqu'à l'âge adulte. Peut-être, et puis éventuellement, voilà, ces loups sont devenus tellement dociles et tellement familiers, et là, on est dans la spéculation totale. Peut-être que ces loups se sont considérés comme faisant partie de la meute. Ah oui. Et que les humains étaient le dominant de la meute. Mm-hmm. Donc, ils se sont associés au bénéfice des deux. Mm-hmm. Et voilà, le processus s'est enclenché. Mm-hmm. Mais finalement, il n'y a pas tant d'animaux que ça qui ont été domestiqués. Alors, on connaît nos quelques animaux domestiques, la vache, le cochon, la chèvre, le cheval. Mais ça ne fait pas tant que ça sur l'ensemble toutes les espèces de mammifères ou d'oiseaux. On peut peut-être ajouter la poule aussi. La poule, oui. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines espèces ont pu être domestiquées et pas les autres? Pourquoi on n'a pas domestiqué le zèbre? Ressemble au cheval, a priori, mais on ne monte pas le zèbre. Oui, mais ça, c'est curieux, effectivement, parce qu'il y a à peu près 5000 espèces de mammifères qu'on connaît, et on en a domestiqué seulement une vingtaine. C'est un taux de succès qui est très, très faible. Dans le cas des oiseaux, c'est un peu pareil. On connaît 5 ou 6 espèces, la poule, les canards, les oies, les dindes, les pigeons, sur 9 ou 10 000 espèces. Et on sait, par des documents historiques, qu'on a essayé de domestiquer d'autres espèces, y compris les zèbres, et qu'on a toujours échoué. Mm-hmm. Donc, c'est curieux qu'il y en ait si peu, et c'est curieux aussi que toutes les domestications se sont passées à peu près entre moins 20 000 ans et 3 ou 4 000 ans. Ah oui? Depuis 4 000 ans... On n'a rien domestiqué d'autre. On n'a rien réussi à domestiquer, pourtant, on a essayé. Mm-hmm. Un des cas bien connus, c'est le guépard. On connaît historiquement, en Égypte et en Inde, des princes, des maharajas, des rois qui possédaient littéralement des centaines ou des milliers de guépards apprivoisés qu'ils utilisaient comme animal de compagnie ou pour la chasse, mais on n'a jamais réussi à contrôler la reproduction au point de les domestiquer. Mm-hmm. Donc, dans le cas du zèbre, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est un animal trop agressif. Ah oui, ça fait des ruades, on ne le contrôle pas? Ah, des ruades, même une femelle zèbre qui défend son jeune peut tuer un lion d'une ruade. Et dans leur combat, un des éléments majeurs de leur combat, c'est les morsures. Ils ont des dents très bien équipées pour mordre. Et on sait que dans les jardins zoologiques, il y a un très grand nombre de cas d'humains qui ont été blessés et même tués par des zèbres. Ah oui? Donc, c'est un animal, on a probablement essayé. On a réussi au 19e siècle et début du 20e siècle à apprivoiser un certain nombre d'individus, mais jamais vraiment à les contrôler suffisamment pour pouvoir les domestiquer et contrôler la reproduction. Il fallait qu'il y ait un intérêt aussi. Bon, on devine que pour le zèbre, il peut y avoir un intérêt, tout comme le cheval, mais pour d'autres animaux comme la vache ou la chèvre, on voit l'intérêt parce que ça fait du lait, mais un animal qui ne fait pas de lait, on n'a pas d'intérêt non plus à le domestiquer, par exemple. C'est sûr qu'on n'a pas domestiqué, l'humain n'a pas domestiqué pour s'amuser, il a domestiqué parce qu'il y avait un besoin, c'était une question de survie, c'était une question d'améliorer ses conditions de vie. Et donc, c'est peut-être une partie de l'explication, c'est qu'évidemment, il faut que l'animal sauvage possède un certain nombre de caractères qui prédisposent à la domestication. Mais en plus, il faut qu'on lui trouve une utilité, effectivement. Mais je ne sais pas si... J'imagine mal qu'au début de la domestication de la chèvre, par exemple, qu'avant de domestiquer, on a vu tout ce qu'on pouvait tirer de la chèvre. Oui, Parce qu'après le loup, la deuxième espèce la plus ancienne domestique chez les mammifères, c'est la chèvre. Et un des caractères qui favorise la domestication de la chèvre, c'est que c'est un animal qui mange à peu près n'importe quoi. Ah, c'est pratique. Donc, c'est facile de garder en captivité. Ouais. J'ai vu en Inde des chèvres qui mangent les affiches collées sur les murs, qui lèchent la colle et le papier. C'est parce que ça donne comme lait après ça ou comme viande. Non, mais c'est pour indiquer que c'est un animal qui est relativement petit, suffisamment grand pour pouvoir produire de la viande et du lait. qui est docile, qui n'est pas dangereux pour l'humain, qu'on peut nourrir avec à peu près n'importe quoi. Et donc, il est prédisposé à la domestication par rapport à d'autres espèces qu'on a peut-être essayées, parce qu'il y a un très grand nombre d'espèces d'antilopes qu'on a essayé aussi au Moyen-Orient, puis toujours, on a toujours échoué. Donc, il n'y a pas tant d'espèces que ça qui ont été sélectionnées, qui ont été domestiquées, mais par contre, sur les quelques espèces domestiquées, on a des centaines de races. Si on pense aux chiens, là, ça part du loup, mais à partir du loup, on a combien d'espèces de chiens? Puis pareil pour les vaches, ou peut-être pareil pour les chèvres. Si on additionne les 5 ou 6 grands, le cheval, la vache, le porc, la chèvre, le mouton, puis on inclut le chien, on parle de plusieurs milliers, 9 ou 10 000 races de domestiques. Ah oui. Donc, on a produit deux effets inverses. Une sélection sur un tout petit nombre d'espèces, mais on a produit un grand nombre de races à l'intérieur de chaque espèce, qui indique que ces espèces qu'on avait choisies avaient une plasticité génétique, une richesse, une banque de variabilité génétique qu'on pouvait exploiter sans le savoir au point de départ. Mais on a produit un très grand nombre de races en fonction des besoins locaux, en fonction des conditions écologiques locales, que ce soit les tropiques, les milieux désertiques, etc. On a des races adaptées à un très grand nombre de conditions écologiques. Mais d'un autre côté, est-ce que, on a toutes ces races de vaches, c'est peut-être moins vrai pour le chien, mais on a toutes ces races de vaches, mais finalement, on en vient à faire de la monoculture avec nos vaches, parce qu'on au-delà du mono-élevage, parce qu'on privilégie celle qui fait le plus de lait ou celle qui fait la meilleure viande, et on oublie toutes les races anciennes. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train de perdre toutes ces races qu'on a produites? Absolument. On a produit, pour des raisons locales importantes, un très grand nombre de races. Aujourd'hui, le critère numéro un, c'est le profit à tout prix. Donc, on choisit les races les plus payantes et on est en train de perdre une biodiversité créée par l'humain qui est très, très, très, très riche. Et c'est tout à fait dommage, surtout quand on considère que c'est pratiquement impossible de produire une nouvelle espèce domestique et que ça prend plusieurs générations pour produire une nouvelle race. Donc là, on est en train de perdre un très grand nombre de races. C'est la même chose pour les plantes cultivées. Oui. Toutes les bananes qu'on mange dans la plupart des pays, c'est de la même variété. Et s'il y a un champignon ou une bactérie, un parasite qui s'attaque aux fleurs ou aux fruits, comme c'est peut-être le cas présentement, bien là, on va être vraiment dans le trouble. Donc, on a produit une grande diversité de races sur plusieurs millénaires, puis on est en train de la perdre. Quoi qu'il y a des mouvements assez importants maintenant... Pour revenir des races anciennes Pour préserver les races anciennes, pour préserver il y a des banques de graines pour les plantes cultivées de la même façon. Donc, on est en train de se rendre compte qu'il y a une richesse de l'humanité, un patrimoine important à conserver. Finalement, les animaux domestiques, ça semblait un sujet banal, mais on a quand même beaucoup de choses à dire sur ces animaux. C'est une histoire pas si banale que vous nous avez fait découvrir. C'est un grand pan de l'histoire récente de l'humanité. Alors, merci beaucoup, Cyril, pour nous avoir donné un aperçu un peu oublié de ces animaux domestiques. Merci beaucoup. Merci et à je toi. Rappelle que vous êtes professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval.